Arthur Beterbiev, moi je le considère comme le meilleur boxeur livre pour livre du Québec, va affronter demain Dimitro Colling, un Allemand, et s'il remporte le combat, il va devenir champion du monde de l'IBF. Pour en parler, on parle avec notre collaborateur Bernard Barry. Salut Bernard! Bonjour Danny. Bernard, ça fait longtemps qu'on en parle de Beterbiev. Moi je l'ai toujours considéré comme le meilleur boxeur livre pour livre du Québec et de loin. Et là, finalement, ben, demain, après des longues disputes, après beaucoup d'obstacles quand même, Beterbiev remonte sur le ring et il va, s'il a la chance de, s'il bat demain Colling, il va devenir champion du monde. Ah oui, puis il faut pas qu'il rate cette chance-là. C'est une chance qui est une opportunité incroyable pour lui parce qu'effectivement, comme tu le dis sur papier, il va être favori parce que Colling, c'est un bon boxeur, c'est un Olympien, faut faire attention. Mais quand on regarde son parcours, c'est pas comparé avec Beterbiev. Beterbiev, ben c'est un style un peu Colling qui peut bien lui aller parce que Colling, c'est un boxeur malgré qu'il est pas puissant, c'est un boxeur qui est offensif. Donc Beterbiev sera pas obligé de courir après. À moins qu'il lui fasse mal en début de combat, puis Colling passe sur le déficit. Mais généralement, là, je pense que ça devrait bien aller pour Beterbiev et dans le milieu du combat, ben, il devrait être en mesure de s'en débarrasser. On dit que Colling, c'est un gars expérimenté, mais qui n'a pas de force de frappe. Non, ben c'est ça, de ses 23 victoires, seulement 6 victoires pendant la carte. Ouais. Mais de notre côté, il a une belle carrière. Là. C'est un boxeur, c'est un gros boxeur. Puis c'est un boxeur qui a une bonne rapidité, une bonne technique de boxe. Ça vient de l'école allemande. Et dans son cas, ben il a une belle carrière amateur parce que oui, en 2012, il était un Olympien. Il a perdu à son deuxième combat contre Ben Chabla, l'Algérien. Mais en 2008, il a quand même remporté une médaille d'argent au championnat du monde junior, 17-18 ans. Et il a fait 5 combats pour arriver à ça. Il a perdu en finale, je me rappelle bien, contre un Cubain. Donc, quand tu regardes ça, tu peux pas avoir tout fait ça puis pas être bon. Sauf que chez les professionnels, à cause de sa force de frappe limitée, ben d'un côté, il représente pas un grand danger. Puis d'ailleurs, à ses deux derniers combats, il a battu Lynn Bamberg, le même boxeur que Eléder Alvarez avait remporté à Monaco il y a quelques années. Et avec une Bamberg, il a eu de la difficulté. Chez lui, en Allemagne, il avait gagné une décision partagée. Ouais. Ça avait fait un genre de controverse et il avait accepté d'aller se battre contre Lindenberg en Afrique du Sud chez Lindenberg et là il avait gagné une décision unanime. Ça, okay. C'était son dernier combat et c'était cette année au mois de février. OK. C'est-tu un boxeur intelligent? Quel genre de boxeur c'est-tu aussi un boxeur qui a quand même une bonne mâchoire? Parce que comme Beterbiev, avec la force de frappe que Beterbiev a, ça peut arriver que ça veuille pas trop. La seule défaite qu'il avait eue, c'était en 2015. Il l'avait eue par décision unanime contre un boxeur Mirko Ricci. Ça s'était passé en Allemagne. Une décision relativement serrée, mais le gars avait son numéro. Le gars avait une fiche pas à tout casser de 13 victoires, 2 défaites à ce moment-là. Et il avait perdu une décision unanime. C'est un gars qui, effectivement, il est considéré comme un boxeur avec une bonne mâchoire, mais il a ses limites. Et quand on connaît le petit côté animal de Beterbiev, qui lui voudra rien savoir, qui va partir après lui comme un pitbull, c'est certain qu'à un moment donné, il va trouver que le ring lui aura pris sa vue d'œil. OK, non, donc ça va être très, très intéressant. Avec la victoire de Beterbiev, est-ce que ça veut dire que lui, là, il n'y a pas de promoteur, c'est ça qui est important. Là. C'est un combat de top rank, c'est assez particulier comme phénomène. Là, dans le moment, son promoteur a amené jusqu'à maintenant, c'est Groupe Yvon-Michel. Le Groupe Yvon-Michel et Beterbiev sont en cours. Okay. Il n'y a pas eu de jugement par rapport à ça. Et c'est pour ça que, bon, Louis est allé avec Top Rank là, dans cette histoire-là, là, où il a été invité à boxer là-bas. Mais je veux dire, eux signeront pas avec Beterbiev tant qu'il n'aura pas réglé ses affaires, ses problèmes contractuels. Et ça va être dans les semaines, les mois à venir. Là. OK. Penses-tu qu'on va le voir au Québec? Ah, ben oui, sans aucun doute. Il est heureux au Québec, Arthur Beterbiev. OK. Et sa famille est bien installée. Il a fait un réseau d'amis. Donc, j'ai l'impression qu'il partira pas. Écoute, tu peux me tromper, mais j'ai l'impression qu'il va rester. OK. Et là, ça va être de savoir comment ça va se régler, mais je suis convaincu qu'on va le revoir au Québec boxer, moi, sans aucun doute. OK. Est-ce que ça veut dire que par après, s'il bat Colling demain, Un méga combat contre Kovalev. Ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Ou Dimitri Bivol, il y a un autre Russe qui a remporté le championnat du monde dernièrement, c'est la semaine passée. On se dirige-tu vers ça ou encore ça pourrait être un match incroyable contre Superman? Le fait qu'André Ward a laissé ses cheveux, ouais, puis qu'il a abandonné la boxe, mais tu sais, ça là, c'est bien avoir beaucoup d'action. Comme tu l'as dit, Bivol, qui vient de devenir champion WBA, on peut s'avancer que Kovalev va se battre bientôt. Yes, dans deux semaines. Et Chabransky, pas grand chance. Là. Donc okay, là, il va se rencontrer lui aussi avec une ceinture de champion du monde. Donc, t'imagines, là, on va avoir que Kovalev avec une ceinture, Beterbiev avec une ceinture, Bivol avec une ceinture qui est un peu Adonis Stevenson. Imagine-toi là, le mix qu'on va avoir et le plaisir qu'on va avoir avec des combats d'unification, puis des défis, puis des provocations. Mmh. Puis c'est tous des boxeurs qui, d'une certaine façon, il y a un doute, là. T'en as pas un où tu l'as mêlé comme Ward l'était, si tu veux, là. Là, tu disais difficile à atteindre, mais tous ces boxeurs-là, ils ont des forces et des faiblesses. Et un contre l'autre, il suffit que le gars prenne sa bonne soirée. Puis c'est pour ça que ça va créer beaucoup, beaucoup d'intérêt chez les Milos dans la prochaine année. Là, on va avoir tellement de plaisir. Puis nous autres, les Milos, c'est là que nos gars sont là. C'est l'action, là. On peut pas demander mieux, là. OK. Bernard, je veux te parler de fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé d'actualité de la boxe. Je veux te parler de Aldear Alvarez. Est-ce que c'est confirmé que finalement, ça va être Badou Jack contre Adonis parce que ça se parle pas mal? Est-ce que c'est confirmé? Non. C'est pas confirmé. Écoute, c'est dans... Tu sais, Badou Jack, là, ouais, c'est valide parce que son promoteur, c'est Floyd Mayweather. Floyd Mayweather, on s'entend là qu'il y a des millions à l'infini puis il est bien pesant avec le réseau Showtime. Donc, c'est certain que quand Badou Jack... Floyd Mayweather parle, et là, tout le monde roule, tout le monde écoute, là, tout le monde claque des dents. Bon, mais là, c'est certain que le combat, il est prévu, c'est Alvarez contre Stevenson. Ouais. Ça devrait être au mois de janvier. Mais il y a toujours quelque chose qui flotte dans l'air qui dit que Badou Jack et son équipe, dont Floyd Mayweather, Golden Boy et toute la gang, peuvent arriver et dire à Alvarez, écoute bien là, voici Showtime. Il va arriver, va dire à Yvon Michel, qui est pris pour gérer ça, ils vont dire voici ta bourse, qui est si tu te bats avec Stevenson, et si tu tasses, ben multiplie par 5. Oups, t'entends-tu la même affaire que moi, là? Ouais. Ta bourse, et si tu tasses puis on te met un combat qu'en temps normal, tu devrais gagner, tu multiplies ta bourse par 5. C'est pas 4, là, 5. Ouais, c'est 1 million. Oups. On parle d'un million pour pauvre. Bon, là, on parle de ça, là. Ouais. Alors que pour les Américains, Showtime, là, Stevenson Alvarez, là, okay, on va dire la vraie histoire, j'aime pas ça dire ça, mais on se parle entre nous autres, là. Ça les énerve pas tant que ça, là. Même au Québec, Bernard, on est loin de Wallet Hilton, là. Ce sera pas le même intérêt que Wallet Hilton. Non, mais l'Américain, là, qui est avec sa grosse bête assis sur son sofa, oui, là, qui voit l'Haïtien de Montréal contre le Colombien de Montréal, là, il chèquera pas sur son sofa, là. Non. Bon, ben, c'est Showtime, là, ils sont pas plus chauds que ça, avec ça. Donc, oui, c'est faisable. Mais là, est-ce que Alvarez va accepter, lui, d'embarquer avec une bourse qui va être relativement modeste, là, ouais, contre Stevenson, alors que là, comme je te dis, ce qu'on entend, là, ça scelle dans nos oreilles, là. Eux autres, si Mayweather décide qu'il met l'argent sur la table, ben, m'a dire, Alvarez, là, il assure l'avenir de sa famille. Tu sais, le monde, il chale bien, gna. Mais tu penses-tu qu'on est pesant dans l'histoire, nous autres, qu'il y a de l'argent, là, c'est le réseau Showtime, c'est le réseau du BO, c'est eux autres qui mènent la boxe professionnelle. Tout le monde, maudit promoteur. Le promoteur n'est pas capable de payer ses bourses millionnaires. La seule manière de payer ses bourses millionnaires, c'est le réseau de télé américain. Mais là, quand est-ce que je vais être fixé? Le monde, là, des fois, je les entends, là, des fois, là, c'est choquant, ils ne savent même pas quoi tu parles. Mais là, quand ça va être fixé? Parce que là, il faut qu'ils se préparent, là. Tu sais, il faut qu'il y ait un calendrier. Ils ont parlé de la fin janvier, là. Fait qu'entre moi puis toi, là, ouais, on est au mois de novembre, on s'entend-tu, il faut que ça y aille vite, là. Ben oui. Ce que je veux dire, là, la fin janvier, là, c'est le délai, là. C'est là que c'est supposé se passer. OK. Fait que, là, c'est certain que c'est une question de semaine, là. On parle pas de mois, là. D'ici la fin novembre, là, la chatte va être collée, là. Oui, effectivement. Hey, Bernard, il se passe quoi avec Jim? Parce que, tu sais, je regarde ça de loin, là, je suis pas à l'intérieur, mais Claude Clayton qui s'en va, David Lemieux qui s'en va, Arthur Beterbiev qui s'en va. Il se passe quoi? Est-ce que c'était une bonne affaire de vous fusionner avec Carl Heyman? Parce qu'on voit les boxeurs... Non, regarde, il n'y a pas de loyauté. Dans la boxe professionnelle, il faut que tu oublies ça. Là. Les histoires d'amis, là, si t'es pas dans ta famille, il n'y a pas de loyauté. Hein. Ça aussi, là, c'est... Puis nous autres, là, on est là depuis 2004. On a survécu à tout, là, on est des passionnés de boxe. Fait que, tu sais, faut pas penser que là, ça se met mal aller parce que c'est mieux parti de là 2 ans, puis là, ben, t'as bien, t'es pas content. Clayton, son contrat finit à la fin du mois. Puis nous autres, on a décidé ensemble avec Clayton que la meilleure affaire pour lui, là, c'est d'aller ailleurs. Tu comprends-tu, là? C'est pas, ça ne donne pas juste de lui, ça nous donne nous autres aussi. Parce que sa vision à lui, t'as pas la même que nous autres. Mais ça, depuis 2004, c'est comme ça, là. C'est pas le premier à partir. Alton est parti. Je peux t'en amener une gamme qui sont partis. On a fait des bobailles dans le châssis. C'est un roulement, ça, là. C'est ça, la boxe professionnelle. Ils vont ailleurs, ils sont pas plus contents, puis ils reviennent à quatre pattes. Je vais te donner le plus bel exemple à Dennis Stevenson. Rappelle-toi qu'il avait été mangé une volée. Il était un an cogné à la porte chez nous. Un an cogné à la porte avant qu'on y ouvre. Les gens qui pensent pas, Jim, ça va bien, ça va mal, ou c'est trop faux comme ça, sincèrement, ça ira vraiment mieux. On fait ça là, avec toute notre bonne volonté, avec nos moyens, on réussit à garder ça vivant. On vient de signer Shaquille Finn. Qui est rendu une vedette aux Casinos de Montréal puis qui monte dans les classements. Bon, mais, tu sais, on roule, nous autres. On a un programme de boxe encore là aux Casinos de Montréal au mois de décembre. Là, on vient du lac Limini. On va en avoir un autre en janvier. On fait de l'activité. Puis, oui, effectivement, on aimerait que ça y aille mieux. Mais, tu sais, là-dedans, là, c'est de la business. Là. Okay. C'est de la business. Fait que, tout le monde se voit se faire des high-five, on se colle, on a du fun. Le lendemain, là, il y a un gros chèque qui arrive sur la table, le gars, c'est ton chum pantoute. Ouais. Al Heyman, est-ce que c'était une bonne affaire pour Jim? Ben, écoute, c'est. Au moment où il est arrivé dans la boxe, là, t'étais mieux. Lui, là, il est arrivé dans la boxe avec ses millions, là, comme un train, là. Fait que toi, t'avais le choix, là. Tu restes sur la traque, ou il t'écrase, puis il passe sur toi, là, ou tu débarques, puis peut-être qu'ils vont t'embarquer. Fait que nous autres, on a pris la décision qui était le mieux. Puis, bon, c'était plus la bonne, là. Regarde, on n'est pas rendu au bout, là. Le train n'est pas rendu à la dernière station. Mais je regarde le Tiger qui n'a aucun lien avec eux autres, puis ils ont l'air à bien fonctionner. Fait qu'ils auraient été capables. Mais tant mieux, ça coûte cher qu'ils ont fusionné comme ça, là. Content. Samuel Stéphane m'a énormément d'argent là-dedans. Chapeau. Chapeau. C'est sûr que lui, un jour, il a idée. Oui, ça va revenir. C'est sûr qu'il faut qu'il pense comme ça, là. Un peu comme M. Mulet pensait à Saint-Arbox à l'époque. J'étais là, moi, pendant les 6 ans, là, parce que c'est qui est arrivé au bas de la ligne, fini, on s'est levé un matin, c'était fini. Bon, mais moi, je souhaite pas ça à Camille Stéphane, je souhaite qu'il réussisse. Moi, là, il y aurait 3-4 promoteurs comme Camille Stéphane, je vous dirais, je suis un amateur de boxe, moi, je capote, mettez-en des shows de boxe, moi, toujours être là. Je veux dire, à quelque part, faut que tu mettes de l'argent, mais faut que t'en aies de l'argent pour en mettre tant que ça, Maintenant, on se reparle et on souhaite la meilleure des chances à Arthur Beterbiev. Ça serait pas mal le fun. On va se reparler si l'actualité de la boxe l'exige. Sinon, ça va être David Lemieux comme Bijou. Ça va être bon aussi, ça. Toutes des bonnes nouvelles. Faut garder la foi, faut garder notre bonne humeur. Bernard Barry, notre collaborateur de boxe.